Et il y en a de l'énervement ce soir. Oui, c'est ça. Hein? Pardon? On y en a, mais j'allais. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Oh, il y en a de l'énervement, là. Tout le monde est sur le nerf dièse. Ça, c'est. Ça s'est jamais su, là, qu'il y avait trois nerfs importants dans le corps humain. Il y a le nerf bémol. J'ai déjà entendu mes femmes me dire lâche-moi le bémol. Ça, c'est le nerf qui se cache derrière la calotte. La calotte de. Oui. Les cheveux. Si tu enlèves la paire, c'est la calotte. C'est ça. Ben, moi, c'est le vessie, là. Rien à voir avec Léonard de vessie. C'est une cale vessie. Monsieur le Président, pardonnez-moi, madame, je ne voulais pas vous écarter la. Monsieur le Président, je veux dire la courroie des cheveux. Monsieur le Président, on va le dire, madame, fâchez-vous pas. On n'est pas fâchés. On est simplement. Monsieur le. Pas trop catholique. Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, le court-circuiteur de réalisme, Rénald Lenéant Gagné. Et puis, j'ai collé mon micro, il est figé, hein? Ben, c'est ce que tu voulais? Oui, mais je voulais un figé à mauvais, moi. C'est impossible. C'est impossible, on a demandé à notre un technicien, monsieur le technicien? Ben oui, c'est ça. Ben oui. Hein? Pas trop amovible parce qu'il nous a dit que ça allait tourner de tous les sens et votre tête également. Et comme la majorité des gens, et l'on veut pas les affoler ce soir, ils ont vu le film Exercice. Oui, puis? Ben, Exercice! Qu'est-ce qui arrive, Exercice? 6 minutes après le film! Je me suis levé pour aller faire un petit pipi. Pourquoi? Au moins, tu sais que le stress et les thrillers, là, c'est un film d'angoisse. Non, d'horreur. Ben, c'est pas... Bon, d'horreur. T'as jamais vu ma charmante épouse à son lever? Ça ressemble étrangement à Exercice. Linda Blair, Linda Blair. Y a eu des histoires là-dessus. L'extra-diégétique est plus intéressant que le diégétique. Qu'est-ce qu'il dit là? Ben, l'histoire que l'on voit, oui, est beaucoup moins intéressante et importante que ce qu'on a raconté sur le récit filmique. Oh, les à côté, là, les bonus. On va se placer dans un nouveau DVD. Un niveau. OK. C'est où, ça, le niveau DVD? Ben, il y a le niveau 33 tours. Oui. Hey, ça tourne. Aïe, donc, ça tourne. J'ai déjà un mal de col. Ah, oh, mon Dieu. La colle me décolle. Ensuite de ça, 33 tours, ben, on peut placer là-dedans 78 tours, 45 tours. Là, le vinyle, là. Qu'on va avoir le vinyle en haut. Alors, ça, c'est le niveau. Tu sens la... C'est comme l'hélicoptère, mais aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui. Non, mais pas l'hélicoptère hier, là. L'hélicoptère aujourd'hui. Ah, non, on n'a pas parlé d'hier, on a parlé d'aujourd'hui. De maintenant, ici et maintenant. OK, alors 33 tours, 78 tours, tout ce qui est vinyle qui tourne. Les longs jeux. Ah, c'est long. Et ensuite de ça, on peut descendre la cassette. Hey, ça, là, c'est pour les pendus. Ah! Hey, c'est des longs tissus. C'est pas des tissus, c'est des bandes magnétiques. Les bandes magnétiques, des tissus. Madame Thibodeau a fait de l'art. Comment t'appelles ça? Contemporain. De l'art contemporain. Elle s'est fait une mini-jupe avec des bandes magnétiques. Ah, mon Dieu! Hey, des bandes magnétiques. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais ça voulait pas sortir le magnétique. Ça m'arrive souvent, ça veut jamais sortir. Puis je me demande pourquoi. Pourquoi? Ben, je me pose des questions, moi, là. Et elle s'est faite une mini-jupe avec des bandes magnétiques. Ah, oh, c'est... Sur des disques de... Comment elle s'appelle, donc? Celle qui fait de la musique avec sa cravate, là. Ah! On sait pas. Ben oui, elle a fait un album avec Jean-Michel Jarre là, qui s'appelle Zoo Look. Ah oh, oui, Anderson. Et puis donc, après ça, tu peux aller sur le CD. La cassette 8 tracks va avec la bande magnétique. Toutes les bandes, là, t'es bon, 8 tracks, 4 tracks, perle la track, ouais la track, ouais la track, ouais la track, ta track, tic, ta tic, ta tic, ta tic, ta tic, ta tic, swing la baguette dans le fond d'abord de bois, le 33 tours, le 45 tours, le disco qui va pas jouer, de buzzer, de buzzer, de da da da. Il y a le discours, les patatous, à part le lâche ton tour, patate, la patate, la patate. Mais ensuite, il y a le CD. Le numérique. Tout est numérique. Hey, on aime ça? Non, j'aime pas, ça fait peur, ça fait peur. Hey, le simple petit défaut, tu l'entends. Exemple, cela. Tu l'entends? Ouais, mais t'as le 33 tours aussi, le 45. Hey, tu as arrêté de me reprendre? C'est moi le connaissant, c'est moi le technicien. Notre technicien, c'est comme ça, hein? Oui, c'est ça. Bon. On se pose plus de questions avec lui. C'est lui, il a raison. Il a la science infuse. Bon, qu'on arrête de nous les mettre les bâtons dans la route. Non, sur la route. Sur la route. Puis en dessous des patins, moi, j'ai déjà un grave problème à marcher. Imagine-toi avec des patins à roulettes. Ah, deux roues désalignées. Ah, oh, et puis, après ce CD, hein, puis on peut aller dans le DVD. Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray. Encore des conneries. Là. Moi, le digital, ça me convenait. Incroyable. J'étais aux petits oiseaux avec le digital. Avec le Blu-ray, regarde. Plus net que net. Voyons, ma télé n'est même pas capable. Mon œil. Elle n'est même pas capable de capter déjà le Super 8. Marin Toy, le Super Digital Dolby Surround. La société de consommation veut m'avoir là-dessus. Ah, oh, je m'en suis acheté 8 des Blu-ray. Mais on ne sait jamais. Si ça change vers le Green Ray ou le Red Ray ou le Anyway, imagine-toi, un Anyway ne peut pas lire du CD, puis tu peux le Blu-ray, puis le 4 tracks. J'ai essayé de rentrer ma 8 tracks là-dedans. Je vais retourner au magasin. La petite madame, parce qu'elle était toute petite. Je me dis, madame! « Madame, êtes-vous là? » Elle était tellement petite, elle devait monter sur des caisses. « Madame, madame, là, bien, oui, c'est moi. »« Ben oui, ben où êtes-vous? Où êtes-vous? » Je pensais que c'était des morts qui me parlaient comme d'habitude, moi, là. J'avais oublié de me rendre compte que j'existais sur cette planète. Bah. Excusez-moi, c'est encore un space. Un space, non, c'est un space. Moi, c'est un space, c'est un space, c'est un space. Oh, mon Seigneur. Ça va bien. Et puis là, la petite madame, elle monte, elle était grande, elle avait monté sur 3 cubes, là, des gros red cubes, là, des bicubes. Non, c'est des tricubes, des tricubes. Encore un autre, des tricubes. Monsieur, est-ce que c'est vous qui l'avez placé? C'est quoi? C'est tout simplement des cubes, hein? Ben oui, c'est ça. Bon. Arrêtez de trouver des choses extravagantes pour mêler notre peuple, là. On leur dit, là, votez pour 3 personnes, 3 individus, 3 regroupements politiques. Ils ont déjà des difficultés à savoir sur quoi voter, sur qui voter. Ça demande, est-ce que ça va être digital? Est-ce que ça va être le crayon feutre, le crayon plomb, le crayon mine? Et c'est tout à mauvaise mine là-dessus. Non. C'est avec, mon cher madame, ma chère madame, c'est avec votre portable. Oh, mon, ton iPole. Oh, mon, Paul. T'en as-tu, là? Es-tu hey, mon Paul? Oh, non, je suis très off. Oh. Ma femme m'a laissé. Bon, bravo. Félicitations. Comment t'as fait? Moi, je sais, tu fais 3 ans. Oh, non. Mes enfants m'ont léché. Ah, puis hey, tu dois être propre. Ah, ils m'ont léché partout. Ah, dessous de pied, là, il y en a 3 qui sont endormis avant la fin. C'est vrai, M. Thibodeau? Ben oui, c'est ça. Bon. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention! Attention, please! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher des pour en vivre à une étude abandonnée. 2 assiettés de bonne volonté amènent le soukhan brigand de Manda. Hein? Il dit attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. C'est clair ça? Ah, les extras, les intras. Hey, ils vont venir par en haut, par en bas pour te coincer le derrière, là. Ça va venir de partout. Partout, c'est de partout. J'ai pas besoin de billets pour aller partout. L'absurde aventure de l'errance renaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant l'engagé, Rénal Gagné. C'est lui. C'est moi. Avez-vous demandé ici au micro, Raniel Gagné? Oui, c'est ça. Ben oui, bon. Écoute, c'est clair, ça, là. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est ça. On n'avait pas le choix, hein? Non? Ben, en fait, il y avait deux animateurs, puis c'est Raniel Gagné qu'on a choisi, hein? Ben oui, c'est ça. Ben oui. Aujourd'hui, le vendredi 20 avril. Ben oui, pas le 22. 20, non, 20. Hier, c'était le 19. Ah, oh, mal jour. Très mal tourné, le 19. Ah, oh, mon œuf a viré à la poule. Je voulais que ce soit à la coque. Là, c'est bien beau regarder ton œuf. Tu dis, deviens coque quand ça vient d'une poule. Hein? Frustration déjà de la poule de l'avoir pondue puis de mal l'avoir donnée. Elle voulait pas me la donner. Elle faisait, tu vas me la donner. Hey, gros combat entre moi et la poule. Lâche-moi la poule, va prendre l'enveloppe. Hey, moi, des œufs en enveloppe, ça me dérange pas. Moi, là. Hey, on est rendu en 2012, on mange pas ça naturel, là, les œufs d'autres. Ah ouais, donc en poudre, mais c'est en poudre, en poudre, en poudre. Ah, oh, des œufs en poudre. Aujourd'hui, le vendredi 20 avril 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Le capteur de son, est-ce que le débit est correct? Débit? Débit? Ben oui, c'est ça. OK, débit Hudson. En parlant de hein? Deux en poudre. Debbie Hudson, celle qui est morte, là. Non, c'est Whitney Houston. Ah, oh, Whitney Houston. C'est triste. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire. C'est très triste, hein? Une belle femme. Ah, oh, elle était belle. Puis à la fin, elle était... Oh! Toute pour être heureuse. Tout ça, là, c'est de la censure. Je vais pas vous dire la vérité. Elle m'a appelé 2 minutes avant de mourir. Elle m'a dit « Ray! » J'ai dit « Oui, Whitney! Ray! » J'ai dit « Oui, Whitney! » Elle a fait « Ray! » Après ça, elle fait « Glou, glou, glou, glou, glou. » Je croyais que c'était la longue distance. Elle n'avait pas payé son cellulaire. Je suis comme d'habitude. « Glou, glou, glou. » Ah ouais, donc continue à prendre ton petit « Ah, bah, diffamation! » Ah, bah, non, non. Glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou. Puis là, à un moment donné, je regarde la TV. Hey, monte dans son bain! Oh, mon Dieu! Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Oh, Michael Jackson, Whitney Houston. Même direction, là, hein? Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Jimi Hendrix, Janis Joplin, puis l'autre, là, Kurt Cobain, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. C'est ça, hein? Tout ce monde-là, c'est. Oui, c'est ça. OK, bon. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre coton. Moi, je suis au coton. Ah, j'ai demandé à Raoul. J'ai dit, Raoul. Raoul, c'est réel. Hein, je suis en train de lécher le micro. C'est réel. C'est 3 semaines d'émission, ça. Il n'y a pas d'entretien ménager ici. Ah, c'était ma soupe au chou la semaine dernière. Ah. Je vais éviter la deuxième traque parce que c'est ma petite soupe au poids. J'ai eu un mal de ventre. Ah, hein? Oh, bon, tout ça. J'ai fait 2 minutes d'émission, puis... Oh. Hein? Ça, c'est trop... Hein, il faudrait se calmer un peu, ouais. Les secrets ont toujours leur place, bon, d'accord. Nicolas Bacchus est mon invité. De son vrai nom, Nicolas Beige. Beige. Hey, je vais le rendre beige, moi, là. Bages, ou Badges, est un chanteur français se revendiquant comme engagé. Il chante aussi bien des chansons à texte qu'il a lui-même écrites que des chansons d'auteurs-compositeurs. Il est peu médiatisé, mais la presse le considère comme un troubadour libertaire. Chansonnier ouvertement altersexuel et franchement subversif, il est dans la lignée de Dika. Dika kandi kotoko de guitare cantant du tikiti cantant kuti kiti kuti kiti kanti Dikanagan ou Jean Guy Denis. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Faut-il s'arrêter? Oui, on s'arrête. 2-6-6. Merci.

cédant pas dans le monde d'aujourd'hui, tant qu'on aura tout l'estomac fini. Profitez-en, c'est la seule chose à faire. Prenez dans le temps de boire une autre belle bière. À quoi ça sert de faire la course à pied, tant qu'à prendre l'air, pas besoin d'être pressé. On est bien mieux à terrasse d'un bistrot, à boire du blanc avec des bigorneaux. Ah ouais, bigorneaux. Tant qu'on pourra se passer du cimetière, à avoir du fun, manger, baiser, pis boire. Tant qu'on pourra entre joyeux copains, t'approcher le cul d'une belle bouteille de vin. Hey, bonne, ok, bonne. Hey, Jean-Claude, t'es bonne, t'es bonne. Eh hey, monsieur, la trouvez-vous bonne? Dans toute auberge où vient boire est de mise, on s'y asperge bien mieux que dans une église. Surtout quand celle qui vient servir à boire possède des seins qui réaniment l'espoir. Un jour ou l'autre, qu'on soit à jeun ou sous, à la bonne note, on boira comme des trous. Des trous, les troisième trou, madame. En attendant, v'là du dingue pis de la bière, mastiquez bien pour prévenir les ulcères. Tant qu'on pourra se passer du cimetière, avoir du fun, manger, baiser, pis boire. Tant qu'on pourra, entre joyeux copains, t'approcher le cul d'une belle bouteille de vin. Oh, la bouteille de ma vieille grand-mère qui est morte à 103 ans, buvait de la bière puis du fort en même temps. C'est bon, c'est bon, une pour le vin, une pour le fort. Oh, c'est bon, c'est bon. C'était le secret de sa longévité. Elle est morte après quand son bord a fermé. Quand t'as bien bu et puis que t'as bien mangé, tu rates ton tu puis tu t'en vas te coucher. Ah ouais, va dormir, va dormir. Moins de chanter une autre fois, mon petit air, pour se réveiller pis continuer à boire. Tant qu'on pourra se passer du cimetière, avoir du fun, manger, baiser pis boire. Tant qu'on pourra entre joyeux copains, t'approcher le cul d'une belle bouteille de vin. Le beau tchiki de moi, il est bien le beau tchiki de la bouteille, là. Le tchiki, beau tchiki, c'est bien beau comme ça, là. Oh, j'ai jamais vu ça de même. Oh, regarde-moi la robe, en dessous de la robe, en dessous de la robe, en dessous de la robe. Ah oui, la robe de robe. C'est une belle robe, hein, madame? Eh oui, c'est ça. Ben, monsieur, excusez-moi. Bonne humeur, comme d'habitude, lui. Comme d'habitude! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Je croyais avoir mis des coups. Non, c'est comme ça. Oh, OK. Ça fait deux ans et demi, trois ans, sur cette console-là. Je sais même pas si c'est une micro, pas une micro, console, pas une console. OK, comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hey, c'est-tu compliqué, ça, hein? Comme ça, c'est comme ça, puis comme ça, c'est comme ça. La vie, c'est de même. C'est pas autrement. On l'aimerait-tu autrement, la vie? Ah! Oh. Le cocotisier. Oh! On deviendrait moins coco. Parce que... Hein? Pourquoi je ris? Pour éviter de pleurer. C'est le cocotidien. Le cocotidien. Ah, c'est le cocotidien. Ah. On se perd dans notre quotidien. Ah, on est des pendus, comme disait le sénateur dans notre cellule. Bon, là, ici, maintenant, que... Oui. On a un sénateur ici qui parle de pendre la crémaillère. Oh, oui! De tous les vilains. Là, ici, maintenant, attribuons la place. Nous avons tout, chacun d'entre moi, non. Vous, oui. Gaétan, vous, oui. Non, c'est vous, Mire. Non, c'est pas la même chose. Vous, madame, c'est oui. Ben, je ne dis pas oui pour rien. Je ne suis pas une femme facile. Oh, elle n'est pas facile. Hey. Tous nos techniciens ici te connaissent intimement. Comment ça, tu me tutoies? Ben, ça commence comme ça, là. T'sais, on se tutoie. Puis ensuite, bon, ensuite, on se voit. Puis après, ben, on s'examine. Oui, puis après, on se flaire. Puis après, on se plaît. Tu me plais pas. Oh, bon. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charbukowski. Ça s'arrête là. Monsieur, vous voulez que ça s'arrête comme ça, hein? On peut pas... Ben oui, c'est ça. OK, bon. On va pas plus loin. Respect. Hein? On continue. Tinus. Attribuons la place à mon ami Charbukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Une mouche. Eh bien, oui, regarde, là, t'as une mouche qui chante. Ben oui, il y a des mouches qui chantent ici, là. T'es au Québec. Oh! C'est à Londres, ça chante pas. Oh non, ça murmure à Londres. Ça fait... Ça prie. Oh ben j'espère. Avec une reine, il faut prier. Alors, la première phrase, c'est « Je sortais d'une période de biture. » On la connaît, ça fait 25 fois. Ben oui, 25 fois, Motita. 25 fois que je dis que je t'ai, que je vais te jeter. Mais comme j'ai l'épaule et je t'ai tellement puissant, et le cerveau également, je te garde jusqu'à mes dernières volontés. Ben, que le petit Jésus m'a donné à respecter. Parce que sur moi et toi, je t'aime évidemment. Évidemment. Mais là, c'est pas la phrase à Bukowski, là. Là, j'ai dérapé. C'est très, très... Excusez-moi, Mme Thibodeau, là. Si vous ne saviez pas, puis c'est la première fois que vous nous écoutiez, que non, écoutez. Ah! Je ne veux pas te goûter, mais je veux t'écouter. Oh, c'est très bien. Alors, mettez le plat en dessous parce que je vais m'y goûter. Il fait c'est de la sueur. Je vais revenir, je vais changer juste le ventilo. Il fait d'une chaleur intrinsèque. Je vous reviens. Parlez entre vous, Mme Tremblay. Tenez la conversation, puis tenez-les bien parce que... Bon, comme ça, est-ce que vous l'avez tenu? Ah non, je l'ai laissé aller. Bon. On lui demande juste une affaire dans la vie, c'est entretien la conversation, puis non. Incapable. Mais moi, c'est pas moi le magicien. Je suis pas un magicien, moi. T'es un parapatéticien. Oui, je suis un parapatéticien. Ah, l'arbiture qui m'avait coûté. On va recommencer la phrase parce que je sens qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi la trame narrative. Ils se sentent un peu comme l'oisillon abandonné par la mer. Pas la mer l'eau, mais la mer oiseau. Une oiselette. Une noisette. Pas une noisette. Une noisette, c'est une petite noix. Une noix aromatisée. Aromatisée à quoi? Au numella. Oh mon Dieu, numella, la numella. Ben, la numella, elle est belle, oui. Elle est brune. Oh, toutes les brunes sont belles. Oh, je suis amoureux des brunes. Oh! Je veux dire, des noix brunes, des nuella. Manuela, toi qui me sers sur la tartine et m'étends près de ton bain. Manuela, toi qui savire et qui cherche le navire et coucou et cacou, la cocon et cucon. Manuela, toi qui cherche la frontière et qui trouve ma brassière. Manuela, ta brassière, oui. Manuela, toi qui veux chercher l'enfant qui retrouve la main d'un bouton, c'est d'autant sans botox. Manuela, et qui pleure tout le temps. Manuela. Je sortais d'une période de biture qui m'avait coûté mon boulot, ma piole et peut-être même ma tête. Quoique ma tête était... Oups! Je pensais que j'allais faire un dégât. Je voyais toute ma vie dérouler devant moi. C'était ma mort. Ma mort subite. Mon coude. Ok, je vais vous dire ça en direct. Ça vaut la peine. J'ai des chaleurs, là. Mon andropause, elle s'amène à 23 ans. L'andropause à 23 ans, c'est pas possible, Mme Thibodeau. Ah, tout ça peut. Hey, Gaétan, la terre à 23 ans. Mais c'est ça. Ben, c'est ça, 23 ans. Ouais, donc, une malade. T'es un cinglé, toi, 23 ans, l'andropause. Tu as déjà vu ça? 32, 23. J'ai-tu 32, 23? En tout cas, j'ai eu chaud. M'en va vous raconter. M'en va pas. Non, je reste ici. Je vais rester, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ah, mon Dieu. À la Spielberg. Ah, non, pas des histoires mais c'est mon coude. Non, je ne l'ai pas levé, monsieur le juge, madame la présidente, je ne l'ai pas levé le coude. C'est parce que je l'ai tassé le coude sur une boîte remplie de mots de monsieur Bukowski. Et puis, derrière cette boîte plastifiée qui servait de couche à une certaine époque, oui, j'avais mis des couches. Eh oui, je mets des couches. Ça, c'est mes soirées. Olé, olé, le vendredi soir, après mon émission. Là, je me mets des couches. Hein? Oui. OK. Bon, ils s'en viennent. Et donc, non, c'est ma tête qui virevolte. Ça tourne trop vite. C'est le carrousel qui bloque. Hein? C'est un peu rouillé vers le derrière. Derrière du carrousel, pas le derrière de. Donc, tout là, il va bien. Oh, c'est bien. Oh, mon. C'est d'une douceur. C'est ça? Très doux. Doux, ça vient? Ben, ça vient de la propreté. Mais c'est pas ça, là. C'est que la carte, la boîte, il y avait le coude. Et en arrière, il y avait un verre. Un verre. Ben, pas un verre de terre, mais un verre. Comme un verre d'eau, mais pas d'eau dedans. Il n'y a pas d'eau dedans. Non, je prends pas mon bain dans mon verre d'eau. Voilà, je suis pas un oiseau. Voilà, là. L'oiseau, verre d'eau. Dodo, coco, lolo, mono, lolo. Oh, non, toto. Dodo. Mais c'est parce que, imaginez-vous, le récipient rempli tombé par terre. C'est tout collant, ça, hein? C'est un liquide collant. Que je bois, c'est du collant. C'est du miel pour ma gorge. Manuel, là, j'ai une belle voix, hein? C'est à cause du miel dans le verre. Imaginez, répandre ça, là. Ça fait, c'est pas de la cire, ça, là. C'est le contraire de la cire. C'est comme moi. Ça colle. Barcelone. Aubenas. Aubenas, ok. Aubenas, c'est dans... c'est au fin fond de la France. En... c'est dans l'Allier, un petit village. En Ardèche. En Ardèche. Ouais. Pourquoi tu as une maison, tu as un chalet, tu voudrais avoir une maison ou un chalet mais... Non, c'est Aubenas, j'imagine en lettres d'or. Ok, c'est ça, le ça. Mot qui t'a l'air. Ouais, ouais. Ouais. Ah, plutôt, ouais. Mais comment ça s'écrit? A-U-B-E-N-A-S. Ok. En lettres d'or. C'est dans le sud. Ah ouais, en Ardèche, ouais. C'est paumé dans la campagne. Mais ça peut pas être plus au sud, avec un nom comme ça, là, c'est vraiment... Ben là, tu... ok. Si vous étiez une langue... Alors, on est tous amis. La sienne. Ok, et toi? Le flamand. Le flamand. Quelle horreur. Il y a... non, mais... ouf. Je pensais qu'il y avait juste Brel qui avait encore l'accent... Oui, non. Pourquoi le flamand? Parce que là, parce qu'il aime dire, dois... dire des conneries. Parce que j'aime beaucoup dire des conneries. Ok, mais alors tu dois assumer ton gars. Parce que j'aime beaucoup François Damiens. Mais qui n'est pas flamand. Non, mais c'est ça, c'est bizarre. Voilà. si vous étiez une époque... une époque de merde. Ah, bah, c'est celle-ci. Ah oui, voilà, okay, celle-là. Voilà. Je sais pas... une révolution ou une autre. Laquelle? J'ai peur de... n'importe laquelle. J'ai peur de passer entre les mailles et de pas être là pour une révolution. Ok, alors ça me fait chier. Allez-y, allez-y. Problème. Alors, on encaisse en attendant. Merci. On va faire une pause. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc mais ouais, mais la... Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La révolution, ça reste à venir peut-être. C'est voilà, c'est ça, la prochaine. Ah non, la prochaine. Ok. En fait, moi, je suis pas du tout année, année maintenant, je suis plutôt année 50, moi. Ah ça. Oui Pourquoi? Non, mais c'est une période que j'aime beaucoup, en fait. Pourquoi? Tu l'as pas vécu? Bah non, mais c'est... je m'y suis vachement référé en film, en musique, en culture en fait. Donc c'est bon, je m'en occupe. En plus on se fait inviter. Non, si vous êtes. Ben oui, mais si vous voulez, je fais un entretien, donc je paye. Si vous étiez un mot. Un quoi? Un mot. Oh, mais il y en a plein. Allez-y. Un mot. Oh là là. Ah, c'est dur ça. C'est dur un mot parce qu'il y a un choix, moi j'ai jamais su choisir. Un mot, bah oui. Eh ben, choix, alors. Choix, ok. Horizon. Horizon, ok. C'est son côté, c'est son côté jeune. Oui. On peut pas le voir à la radio, mais c'était avec expression corporelle. Ouais. Joe. façon comique. Messieurs les flamingants, j'ai deux mots à vous rire. Il y a trop longtemps que vous me faites frire. À vous souffler dans le cul pour devenir autobus. Vous voilà acrobate, mais vraiment rien de plus. Nazis durant les guerres et catholiques entre elles. Vous oscillez sans cesse du fusil au missel. Vos regards sont lointains, votre humour est exsangue. Bien qu'il y ait des rues à Gand qui pissent dans les deux langues. Tu vois, quand je pense à vous, j'aime que rien ne se perde. Messieurs les flamingants, je vous emmerde. Salissez la Flandre, mais la Flandre vous juge. Voyez la mer du Nord, elle s'est enfuie de Bruges. Cessez de me gonfler, mes vieilles roubignoles, avec votre art flamand, italo-espagnol. Vous êtes tellement, tellement beaucoup trop lourd que quand les soirs d'orage, des Chinois cultivés me demandent d'où je suis, je réponds fatigué et les larmes aux dents. Ik ben van Luxembourg, et si aux jeunes femmes on ose un chant flamand, elles s'envolent en rêvant aux oiseaux roses et blancs. Et je vous interdis d'espérer que jamais à Londres sous la pluie on puisse vous croire anglais. Et je vous interdis à New York ou Milan d'éructer mes seigneurs autrement qu'en flamand. Vous n'aurez pas l'air con, vraiment pas con du tout. Et moi je m'interdis de dire que je m'en fous. Et je vous interdis d'obliger nos enfants qui ne vous ont rien fait à aboyer flamand. Et si mes frères se taisent, eh bien tant pis pour elles. Je chante, persiste et signe, je m'appelle Jacques Brel. Dernier album de Jacques Brel. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Avez-vous compris? C'est très léger, ma compréhension. Ça se cache. Ben oui, mais arrêtez de le cacher, mon... Oui, ça se cache, c'est vrai. Mieux vaut que ce soit comme ça, madame, mademoiselle. Alors, le mot dans le château symbolique de la francophonie sur lequel nous allons nous inspirer afin de nous monter ou de nous descendre. Très souvent, on se descend, hein, madame? Tarot. Non, le mot, c'est tarot. Tarot. Tu me taraudes? Non. Tirer des tarots, là, tout ce qui est... OK. Tout ce qui est pas scientifique. Oui. Tout ce qui est paranormal. Non, c'est rénal. Réal. Paranormal. Non, il n'est pas paranormal, lui. Il est tout à fait anormal. Mais pas paranormal. Oui, tout ce, ce qui gravite, l'astrologie, la magie. Fring. Est-ce qu'il nous... Ce qu'on en a rien à l'intérieur de moi, là. À l'intérieur de mon cortex cérébral qui me sert d'ordinateur, qui me sert très, très mal. toujours en train de formater. Moi, là, j'efface et je formate. Alors, c'est pour ça que ma copine m'a dit « Ah ouais, efface, puis formate! » Hé, monsieur, je pensais qu'elle voulait dire « formate », mais non, c'est « formate »,« formater », »,« repartir à zéro ».« Repartir à zéro ». Alors, moi, ça allait pas très bien dans ma vie, alors je suis rendu. Alors, j'ai dit « faut que j'aille voir une arnaqueuse ». Une divine de veine, une devine divine, une veine. Je, avant de m'ouvrir les veines, je m'allais voir la divine comédie. Elle était pas drôle. Elle était grassette, habillée en noir, feutre, et avec un visage caché, voilé. Genre, non, pas une autre. On n'a pas le droit de te voiler au Québec. Elle me dit, non, je ne suis pas voilée. Moi, là, je suis une voyante. Eh, monsieur. Une médium. Oh, moi, j'allais dire extra large, là, mais médium, ça va bon. C'est bon. Vous aimez la pizza? Hein? Les cornichons? Non? Ben, vous êtes là? Oui, vrai. Ben, les cornichons, j'aime pas ça. OK, c'est moi. Elle est bien drôle. Non, pas dans le sens de rigolo, dans le sens de bizarre. Là. Elle avait une boule. En fait, trois boules. Là. Devant ces deux boules, il y avait une boule. Parce qu'elle avait trois boules, deux globes de la Terre qui pointaient vers moi, c'était l'Europe. Genre, non, pas les il y en a un allumé qui m'avait dit que j'étais un francophile. Je vois donc tenter, vois donc te scalper le tampon digital, toi, là. C'était déjà fait, il y avait la canette levée, là. C'est des beaux moments. Oh, j'avais enregistré ça, j'avais filmé ça. Alors, regardez sur mon site. Là, c'est entrée scalp. Il est là. Il est toute la calotte. Toute son intelligence. En fait, il n'y avait rien. C'était un néant. Comme je dis souvent, un néandertal. Alors, là, je demande à ma voyante, « Ah, ouais, tirez-moi quelque chose. Dites-moi ce qui va m'arriver dans ma vie, dans la vie. Qu'est-ce que la vie, la résonance de la vie? Y a-t-il la vie, une vie avant la vie, après la vie, la naissance, in vitro, toto, popo, coco, lolo? » Là, elle m'a dit, « Lolo ou bobo? » Je dis, « Non, pas de bobo, pas de lolo, juste du lait. » Elle avait trois boules. Je dis, « Elle va trouver du lait là-dedans? » Là, elle dit, « Non, c'est l'Europe, là, ça n'a pas de lait, l'Europe, là, c'est l'Amérique qui a du lait. » Ben voyons donc, j'ai jamais entendu parler que l'Amérique avait du lait. Ben, vous êtes là en Amérique, vous? Oui. Vous êtes là? Oui. Ben, il y a du lait en Amérique. Oh, elle est forte, elle est pas voyante, elle est perspicace. Cache-toi! Arrête de me dire des. Je vais te payer, moi, tantôt, là. Comment ça coûte se faire tirer des tarots? Alors, moi, je vais t'étirer en l'air, là, puis ça va tomber par terre. Oh! Vous êtes voyante! Oh, moi, je sais, quand je tire en haut, là, ça descend en bas. Oh! Grosses études en taromanie? Oh, oui. Êtes-vous en même temps une joueuse de poker? Elle n'a rien à voir avec le tarot, le poker. Pourquoi que? Non, c'est des cartes, mais oui, mais c'est pas la même chose. Est-ce que vous connaissez les jeux de tarot? Je connais les jeux un peu taraudés, là, tu sais, les affaires qui peuvent jamais se dire en public, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a le Joker. Avez-vous déjà joué au Joker? Non. Là, vous vous cachez dans votre maison. Hey, c'est pas ça que je veux vous dire, là. C'est tarot. Connaissez-vous les tarots? Ah, mon Dieu. Est-ce que je suis assez taré pour connaître les tarots? Oui, je connais les. Ben, le mot, oui, mais pas vraiment la réverbération. Ben, c'est ça. Je vais vous les tirer. Ben, me tire le jeu de cartes sur moi. Je regarde, moi, ça, l'insignifiant. Là, elle m'a dit, Marcus est dans Polo, Batignol est dans Pagnol, puis oui, puis ça me donne moins, qu'est-ce que ça me donne, moi, vous allez rapidement. Ah, excusez-moi, j'ai rentré en transe en même temps. Ça a court-circuité la bouche, et la babiche, et la tapouche, la nouche, la manouche, puis... Ah oui, la tapouche. Push, la tapouche. Non, on voulait pas dire ça maintenant, là, mais c'est comme ça qu'il faut le mentionner. Et elle voyait à travers tout ce miracle, que le sommet était déjà derrière moi. Oh. Elle m'a dit, ah, c'est terminé, vous n'êtes plus là. Oh non, non, vous êtes derrière. Ben voyons donc, toi. Attends un peu, Germaine, regarde donc si je suis en arrière. Elle dit, ben non, regarde donc si je suis en avant. Ben non, je suis où? Ben, t'es là. Madame la voyeuse, là, la noyeuse, là, en tout cas. La voyante, l'au-delà, la grâce, la grosse, la quoi, la médium, madame la médium. Moi, ma charmante copine, là, ma douce aimée, qui n'est pas ma femme, parce que je veux pas, là, je n'ai pas les moyens financiers. Là, je dis, pour marier, ça coûte cher, une robe de mariage. Hey! Je suis allé au Dolorama pour une robe de mariage. Ça n'existait pas, les Dolorama. Mais je dis, voyons donc, on va acheter ça séparé. Là. Avez-vous du tissu à la vierge? Elle n'est plus vierge. Là. Non, mais à la varice. Oh, mon Dieu. Heureusement qu'on n'a pas l'avarice parce que votre épouse... Ah, mon Dieu! Question à la première question? Non, c'est... Ah non, c'est liquide séminal. Ah ouais. Oh, ouais, mais... c'est pas la même chose. Non. Oh, un aliment, voyons. Guacamole en ce moment, moi je suis. Pardon? Le guacamole en ce moment. Explique-moi. Ah, le guacamole, c'est un aliment mexicain à base d'avocat, de okay. piment et de citron. Ok. Voilà, et c'est la dernière, j'aime beaucoup cuisiner, c'est la dernière recette que j'ai appris et que je fais avec plaisir. Et que tu réussis. Mais bien sûr. Et c'est vite fait. Voilà. Ok. Oh, vite fait, ouais. Vite, non? Je suis plus ou moins vite fait. Plus ou moins, mais ça n'est pas si c'est réussi, sinon tu le refais. C'est ça. Et toi? Une frite. Pour François Damiens, toujours? Oui, François Damiens. Pourquoi une frite? Parce qu'il y a beaucoup de frites, mais il y en a des plus croquantes que d'autres. Ok, alors toi, c'est la croquante, c'est ça? Voilà, oui. La frite. Voilà, je suis la frite. Moi. La frite perdue dans l'énorme grosse, dans le gros cornet. Ok, tu es la frite. Voilà, je suis la frite du cornet. Okay. Bon, d'accord. La frite du sud ou? Oui, oh, ouais, bonne. La frite centrale plutôt. La frite centrale, oui. Si vous étiez une saison. Pas moi l'été, c'est sûr. Oui. Ah moi l'automne, clairement. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Parce que les sangles longs, les violons de l'automne, oui, ça, tout ça, le bordel. Ben, ouais. Tu vois, puis après, on peut faire... Après, ras le cul l'automne. Non, c'est une rare saison, je suis pas trop triste. Mais l'automne, l'automne ici, c'est... C'est beau. C'est beau? Oui, okay. C'est marron. Ok, c'est plus frais. Oui. Ok, ben là, c'est frais actuellement pour un mois de juillet. L'année dernière, on était en sueur comme la Vierge Marie. On souhaitait. Là, la Vierge Marie, c'est quelqu'un que tu connais pas. Là. Qui soigne. Non, ça me dit rien. Et elle soigne non, pas mal. Non, c'est mieux comme ça. Bon, ben là, ça peut devenir graveleux, mais c'est pas grave. Mais non, mais non. Je la sens, l'errance rénaldienne, sur CKRL 89.1 à Québec, débité par Rénald Gagné. My secret life. through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret land. Look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret lab, I bite my lip, I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. It's crowded and cold in my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. Secret land, in my secret land, in my secret land. Recherchiste. In my secret land. Recherchiste. Hein? Recherchiste, oui! Est-ce que c'est vrai que la semaine prochaine, il y a un petit mini-concert, là, Frank Sinatra, là? Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est ça. Bon, hey, c'est plaisant de savoir. Moi, je vais préparer ma petite cassette, je vais enregistrer ça. Combien de temps? 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures, 4 heures. On a dit 12 heures de Frank Sinatra, hein? Ben oui, c'est ça. Hey! Ouais, mais le problème, c'est que ça ne dure que 120 minutes et rentrer une indienne. Dites-moi pas que pour la grande symphonie pastorale, par la grande miséricorde, nous ne s'entendrons pas les rares Nadine la semaine prochaine. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est merveilleux, que de la musique. Non, c'est pas vrai. Hey, les gens ont eu peur, c'est pas vrai. Les rares Nadine, complices de vos délires au dîner. Non, c'est pas Audini, c'est auditif. Oh mon, est-ce qu'il est sorti de l'audition, lui? Ah non, il est mort dans l'eau. Oui. Alors, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, le moment s'invite à nous pour un élan grenadien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. On aime ça dire ça, séchoir. On se sent dedans, hein? On se sent presque à l'intérieur de ce cylindre chauffant. Nous amener, nous attirer, nous aspirer. Ben, c'est pas la même chose, là. Attirer, aspirer, c'est... Non, non, mais je le sais, moi, là. C'est lui qui est confus, là. Madame Thibodeau, c'est... Ben oui, c'est ça. Ah oui, OK. On l'autorise à dire ça, là. C'est un inconscient, il sait pas, il s'en souvient pas. Il vous en tiendra même pas rigueur. Oh, t'avais de la misère à partir. Moi, j'étais en deuxième. Je pouvais pas. Je voulais me placer en deuxième, mais là, je me suis dit en première, deuxième. Après ça, c'est quoi? C'est 3, c'est 12. C'est... La misère avec mes chiffres. Oui. 1, 2, 12, 1, 2. Mais non, c'est première, deuxième, troisième. Puis après, ben, après, ça arrête à 3. Il y a juste 3 vitesses dans ce micro-là. Ça peut pas aller plus haut que ça. L'émission va déjà à 0. Fait que j'ai même moins deux. Le moment s'invite à nous pour un élan rénadien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir, on l'a dit, avec vers les couloirs de l'improvisation avec Sophie Lariane. Après son dernier souffle, plus rien se passa. Ça, c'est le fil Lariane. OK, ça s'arrête là. Que ça s'arrête là. Avez-vous compris, monsieur? Ça s'arrête là. On peut pas aller plus loin. Oui, c'est ça. OK. Alors, on va vous remettre dans le bain pour continuer à vrai. Hein? C'est ça, l'improvisation. Là. Vous vous placez dans le bain pour ensuite vous faire retirer l'endroit où vous étiez assis, histoire de vous lever, vous faire marcher, courir, descendre. Non, c'est faux. Okay, c'est excitant, hein? Ben, là, je comprends absolument rien. OK. Après son dernier souffle, plus rien se passa. Plus aucune secousse. Même sa frimousse avait l'air beaucoup plus jovial après son trépas. Oh, que dites-vous pas? Il part, il y est pas, non. Trépas. Pam, pam, oui, mais pas. Non, pas, oui, un trépas. Mais pas maintenant. Oui, maintenant. Maintenant, oui, mais c'est... Non, un trépas, c'est maintenant, c'est là, là, ça se passe, là, il meurt, là, il monte, il monte, il monte vers quoi? Je sais, il monte. On m'a dit ça, là. Je sais pas pourquoi. Disons que c'est pas vrai. Là. Ben, c'est vrai. Vous venez de le dire. Ah, c'est... Nous disons que c'est de la vérité bord en bord. Hein? Deux bords en avant, trois bords en arrière. C'est un grand, grand, grand miroir de sombre histoire à braque à la branche. Oh, mon Dieu, t'es un magicien. Le magicien Buzz. Ah, un autre. Enlève l'écho, ça mêle les gens. Ben non, on n'est pas mêlés, on veut juste chercher la source, là. Tu dis après son dernier souffle, plus rien se passa. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, plus rien. Ça s'arrête là. Ben non. En quelques secondes, oui. Mais tout s'exécuta après le dernier souffle. Oh! Hey, là, il s'était vu dans une histoire à bracalabrante. Laquelle? Ben, tu sais que l'accident s'était produit hier, là, oui, devant Ginette, qui l'attendait dans son véhicule, oui. Lui, il marchait, hein, comme, il gambadait comme le hérisson heureux. Ah, ça, ça. Il s'enlevait les petits pics pour se curer les dents, tu sais, s'enlever le curé. Il a vu le curé passer, oui, là, il a couru après. Pourtant, monsieur le curé, j'ai quelque chose à vous dire. Il y avait plein de péchés, dont un qui voulait se délivrer parce qu'il se sentait sans doute partir. Là. Tu sais, comment c'est dans ce milieu-là? Non, bien, le milieu de la mort, là, c'est un aura. Oh, mon Dieu! On le sait, on le sent, on ne sait pas quand, mais c'est dans les secondes, dans les minutes, dans les jours qui vont se court-circuiter que l'exaltation arrivera. Oh, mon Dieu! T'es un cinglé? Non, je suis un allumé. OK. Alors, donc, il voit le curé, tu sais, parce qu'il y avait, il était bien en noir, puis il y avait un truc blanc en arrière, tu sais, dans le cou. On appelle ça un harnais. Comment? Un harnais. OK, ben il y avait le harnais, ça, là. Et il court vers, là, puis vers qui? Ben vers le curé. Puis il dit, monsieur le curé, puis là, la voiture est passée. À patch slash, deux, trois vrilles en arrière. Puis là, le curé était en train de faire ses bénédictions. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Puis là, le corps courait dans l'espace. Là, à un moment donné, il s'est figé dans le ciel. Qui, ça, le curé? Non, le regard du curé, mais le corps s'est figé dans le ciel. T'es un malade. Ben, c'est un film de Spielberg. Oh, OK. Je l'avais mis à pause pour aller faire un petit pipi. J'avais un petit envie. Ma femme avait débouché 3-4 orangeades. Oh, 3-4 boissons gazeuses, oui. Et je commençais à dégazer. Oh, mon Dieu, j'avais un vessie fragile, oui. De plus en plus fragile et de plus en plus... Et là, j'ai voulu relaxer un peu la chose, la poche de la vessie, oui. Et puis pendant ce temps-là, j'ai mis la pause. L'homme était là. Pouah! Figé, c'était merveilleux. Là, mon épouse a dit, bien, reviens rapidement, là, il souffle. Parce qu'on voyait juste les doigts qui se trémoussaient. Bien, c'est impossible quand tu l'arrêtes, là, ton DVD, oui. Ben, tout fige. Non, mais pas ses doigts. Ses doigts étaient là. Fring, fring, fring, fring, fring. Il frétillait. Fring, fring, fring. Les pieds ne bougeaient pas, mais juste les doigts. Fring, fring. T'as un problème avec ton horizontal, c'est ta TV. Ben, comment ça, toi? Ben oui. L'horizontal, c'est ta TV, ça fait fring, fring, fring au niveau des doigts. Ben, c'est une nouvelle TV HDVD de Dolby Surround Digital, 3 Dolby, 2 mesures, puis 18 paiements. Et 18e paiement, c'est très facile. Tiens, on dit 18 paiements très faciles. Le 18e est facile. Parce que le persécuteur vient frapper à ta porte. Kong, kong, kong. Voyons, non. Kong, kong, kong. Hey, pas encore un pic-bois ici. Kong, kong, kong. Kong, kong, kong. Tu veux pas ouvrir. Kong, kong, kong. C'est qui ça? Kong, kong, kong, kong. Kong, kong, kong, kong. Encore l'autre qui a sa musique classique. Kong, kong, kong, kong. Là, tu ouvres la porte. Là, tu vois, je suis un percepteur. Je viens percepter de la télévision 12 pouces. Voyons donc, monsieur. Ça fait 3 ans et demi qu'on l'a. Et pas fini de payer. Pas fini de payer, voyons donc. Hey, Georgette, t'occupes-toi de ça. Ah, monsieur, non, je m'occupe de rien, moi. Elle s'occupe de rien. pas du ménage, pas du repassage, pas de la bouffe, pas de cuisine, rien. Elle est devant ma TV. Puis là, j'ai amené ma femme avec. Elle vient avec la TV. Et j'ai dit, on a assez de troubles de même, on vous laisse votre femme. Ah oh, non, s'il vous plaît. Ramenez-les là-bas. Puis en plus, elle va faire de la publicité, elle va être devant, elle va manger les croustilles, hein, les pop-corn. Comment ça, les pop-corn? Mais les crottes de la fromage. Non, c'est des bâtonnets de fromage. En tout cas, toutes les garnitures, vous lui donnez n'importe quoi, elle va le manger. Ah oh, ouais! Hey, le vendeur avait les yeux ronds. Ah oh, ouais, n'importe quoi, elle va le manger. Ah, oh, elle l'amène avec. Je ramenez-les pas, là. Si vous l'amenez, ramenez-les pas. Sinon, ramenez la TV avec. pendant ce temps-là, je vais faire une cage, je vais m'en placer dedans. Là. Oh, la TV, là, pas ma femme. Oh, non, ma femme, elle n'a pas une cage. Elle a sa chambre, que je barre à double amour. Oh, je t'aime, en barrant la porte. Je t'aime, là, la porte est barrée. Là, laisse-moi sortir. Non, je t'aime trop. Je ne veux pas que les hommes, les autres hommes te voient. Heureusement, sinon, vous n'étiez pas avec elle. Ben, je n'ai jamais j'oserai. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. I have to laugh at friends who tell me what they do in my place. They seem to think they'd beat the world and heaven too,

J'avoue j'en ai connu des matrones, des mamas qui me tombaient des nues, qui crachaient sur mes pas. J'étais toute leur crainte, aux mères poules, aux marâtres. Et bien souvent leurs plaintes me fissuraient les plâtres. Voleur de chérubins, je vois bien ton manège. Si tu lui fais du bien, tu voles mes privilèges. Mais ta mère me veut pour gendre. Pourquoi ça me dépasse? Moi qui fais pique-pendre pour les rendre furax, à force de m'étendre sur tous les corps qui passent. Ta mère me veut pour gendre et c'est moi qui angoisse. Moi, le baratineur, le coq, le pygmalion, qui offrait souvent mon cœur et parfois mon oignon. Je raillais l'air déçu des matrones, des mamas, des confites à la vue de l'oiseau si grand déjà. Je volais leurs poussins aux mères poules, aux marâtres, qui se paraient les seins de leurs poupons d'albâtre, qu'elles croyaient tout à elles, car comble de bonheur, jamais une donzelle n'avait trouvé leur cœur. Mais ta mère me veut pour genre, pourquoi ça me les froisse? Moi qui fais pique-pendre pour les rendre furax, à force de m'étendre sous tous les corps qui passent. Ta mère me veut pour genre, telle même qu'elle veut ta place. Moi, le baratineur, le coq, le pygmalion, qui pleurait sur les cœurs autant que sur les oignons. J'avais tout entendu des matrones, des mamas qui hurlaient dans ma rue, haro, haro sur moi. Jusqu'à ce jour étrange où une tête blonde qui aimait d'autres anges sans déserter ma ronde m'écrivit ce refrain que j'ose à peine chanter. Car maintenant je sais bien que la réalité c'est que ta mère me veut pour genre. Pourquoi ça me les casse? Moi qui ai fait pique-pendre pour la rendre furax, elle vient devant ta chambre pour sniffer mes godasses. Ta mère me veut pour gendre, manquerait plus qu'elle m'embrasse. Je peux bien l'avouer, à ce jour je préfère le rôle de bru constitué par la vilaine belle-mère à ces gentilles mamans qui veulent un autre fils. Je préfère leurs enfants, elles ce serait du vice. Mesdames, ne m'aimez plus, ou bien ne m'aimez pas. Restez les mères perdues, les matrones, les mamas. Je n'emprunte que leur cœur, ce ne sont pas vos oignons. Moi, le baratineur, le cœur. Le pygmalion. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.